plus du tout, qu'on trouve un paradis perdu en nous. Et bienvenue tout le monde, il est tout pile 10h sur Radio Mixor, c'est parti, c'est le morning de l'été, bienvenue. On est parti ensemble jusqu'à midi, je m'appelle Alex et on démarre une nouvelle journée ensemble. On est mercredi, c'est le jour des enfants, j'ai envie de dire comme ça, mais non, c'est le jour pour tout le monde en ce moment parce que c'est les vacances. Juillet, août, c'est parti, c'est le soleil, c'est l'été avec des tubes dance floor, de l'horoscope, des infos insolites, la météo, bref, beaucoup beaucoup de choses. Et on démarre avec le son que j'adore, Alina George, I'm the Control. Bienvenue, c'est le morning de l'été jusqu'à midi.

Qu'il est bon ce son en direct jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Je suis ravi de vous retrouver évidemment pour une nouvelle émission. Dans quelques instants, c'est les infos insolites. Et puis il y aura également l'horoscope qui débarque dans quelques instants. Mais avant ça, la dernière bombe de Chris Brown et Benny Mivassi. C'est ça qui est bon. On est en direct jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Bienvenue tout le monde et bon réveil avec Radio Mix Floor. Allez, on continue jusqu'à midi, évidemment, c'est le morning de l'été. Un petit jour du côté de l'horoscope de ce mercredi 6 juillet. On retrouve David en direct jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Bienvenue tout le monde. Les béliers, le soleil et Pluton s'opposent. Vous avez tendance à tout prendre de travers. Au travail, cultivez la patience. Les taureaux, journée efficace. Vous foncez droit au but avec une maîtrise évidente. Ce soir, l'amour vous sourit. Les gémeaux, Mercure facilite vos échanges. Vous obtenez l'essentiel avec le sourire. Côté cœur, vous êtes irrésistible. Les cancers, inutiles de vouloir passer en force aujourd'hui, en amour comme au travail, cultivez la souplesse. Allez, Lion, Jupiter et Vénus créent un climat ultra glamour, vous ne prenez que le meilleur de cette journée. Les Vierges, votre intuition est décuplée par la Lune, vous ne ratez aucune information importante, ce soir, la tendresse s'invite. Les Balances, ambiance tendue, ne laissez pas la grogne s'installer et au travail, soyez plutôt diplomate. Les Scorpions, le ciel dynamise vos projets, vous êtes déterminé à jouer le premier rôle dans une affaire prometteuse. Les Sagittaires, une bonne nouvelle concerne votre petite tribu. Si les vacances approchent, vous avez déjà la tête ailleurs. Les Capricornes, le Soleil et Pluton se heurtent comme vous avec vos proches. Un peu de stratégie s'impose pour adoucir l'ambiance. Les Verseaux, vos activités sont fluides. Journée agréable qui facilite vos résultats. En amour, la soirée est belle. Et puis les Poissons, la Lune aiguise votre flair. Vous faites la bonne rencontre au bon moment. Vos idées sont mises en valeur. L'Astro Top. L'Astro Top. Radio Mixplore, un max de son. Mets-toi de côté, que je passe devant. Pourquoi vouloir rager, frérot, mais non. Pas besoin de forcer, j'ai ma table qui m'attend. Le physio t'a dit non, autant dans 2-3 ans. Pourquoi tant de jalousie? Eh, pas la même catégorie. Eh, Ajax contre Paris. Give me all, t'a dit non, autant dans 2-3 ans. Oh, t'es déjà une galère pour ta life. And I don't need no

be selfish, but I'll take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love. Son de single à l'instant, Give Me Your Love, en direct le morning de l'été jusqu'à midi. Et dédicace de Manon qui est en vacances du côté de Nice et qui nous écoute ce matin dans le morning, ça fait plaisir en tout cas. Et nous on est là, si vous voulez lâcher tous vos messages, hashtag morning Radio Explore, une seule adresse, un seul lien, une seule radio, radioexplore.fr. On continue avec le son de Daero, Bailar, c'est ça qui est bon, c'est le son de l'été, jusqu'à midi. Welcome tout le monde. Yeah. J'adore ce son, c'est le son de l'été d'Aero à l'instant, Bailar, en direct jusqu'à midi, c'est le morning de l'été, un petit jour du côté de la météo, et bah ouais. La météo de ce mercredi 6 juillet 2016. En matinée, quelques nuages résistent du sud de l'Aquitaine à l'Aude et peuvent donner seulement quelques gouttes. Cet après-midi, le soleil parvient à s'imposer. Les passages nuageux sont plus nombreux sur les Pyrénées où se déclenchent quelques averses orageuses dans l'après-midi, ainsi que sur le Mercantour où une ondée orageuse n'est pas exclue. Les régions du nord-est connaissent un temps humide ce matin. De nombreux nuages laissent place aux éclaircies dans l'après-midi. Ailleurs, sur la moitié nord, le soleil est enfin de retour et prédomine sur la Bretagne, mais il a du mal à réchauffer l'atmosphère. Dans le sud-est, les conditions restent estivales avec un léger mistral soufflant dans son domaine. Les minimales sont comprises entre 10 et 13 degrés sur le nord-ouest, 13 à 16 ailleurs, voire 19 à 22 dans le sud-est. Les maximales restent fraîches sur la moitié nord, 20 à 24 seulement. Elles atteignent 25 à 30 degrés dans le sud, 29 à 34 degrés dans le sud-est pour ce mercredi 6 juillet 2016. Radio Mix Flore. Floor. On a tous des peines de galère dans la tête. Mixfloor. Un max de son dance floor. Un max de son dance floor. J'ai foi en l'avenir depuis que je t'ai trouvé. J'ai tant de choses à dire, tant à te prouver. Je ne trahirai jamais ta confiance. Si seulement tu m'accordais au moins une chance. J'aimerais faire ce rêve une réalité. J'ai peut-être mes défauts mais j'ai mes qualités. J'aimerais pas savoir ce que tu penses. Même si à mes yeux c'est une évidence. Dis-lui que t'es la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas. Laisse-la prendre la première place. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner là-bas. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place. Oh baby. Mon sourire, je ferai en sorte que tes peines soient qu'un souvenir. Après de maintenant tu n'auras plus à courir. Car auprès de toi je le ferai venir. Si toi et moi avons nous, on fera des jaloux. Et je suis prêt à prendre le risque tant notre amour est plus fort que tout. Yeah. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas. Laisse-la prendre la première place. Je ferai de ta vie un La dernière bombe de Kinva à l'instant avec Glory, celle qu'il te faut. Et un peu de sport maintenant. Tennis, Formule 1 et toute l'actu sportive, c'est Sport News. Avec du football pour commencer et c'est donc le coup d'envoi des demi-finales de l'Euro 2016 aujourd'hui. Portugal-Pays de Galles, c'est ce soir à 21h. Quelques infos mercato pour le ballon rond et Johan Gourcuff qui a prolongé de 2 ans au Stade Rennais. Le club breton a indiqué hier que son milieu de terrain avait signé un nouveau contrat alors que le précédent était arrivé à son terme le 30 juin dernier. Je me retrouve complètement dans le projet que Christian Gourcuff, son père, veut mettre en place, a-t-il déclaré. Les joueurs libres, le nouveau dada de l'OM après Bédimo, les dirigeants olympiens auraient dans le viseur un autre joueur dont le bail à Lyon arrive à terme, Arnold Vuemba. Selon l'équipe, le milieu de terrain de 31 ans plaît aux décideurs phocéens à tel point que Franck Passy, l'entraîneur de l'OM, s'est déjà entretenu avec le joueur. Prince Onyange, le joueur de Reims, serait aussi sur les tablettes marseillaises. Et puis, autre chantier prioritaire de l'OM, l'attaquant de pointe amené à remplacer Michy Batshuayi. Selon francefootball.fr, celui-ci sera Bafétimbi Gomis. Le site du magazine sportif annonce ce mardi que l'hypothèse d'un prêt est bien avancée entre Marseille et Swansea. Le club anglais pourrait assumer une partie du salaire de l'attaquant international français de 30 ans. Et selon l'équipe, Marseille étudie même la possibilité de demander à Monaco le prêt de Valère Germain. Affaire à suivre. Le tennis Wimbledon est affronté Andy Murray à Wimbledon. Ce n'est jamais une bonne nouvelle pour ses adversaires. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va arriver aujourd'hui à Joe Wilfried Tsonga. À ses 99 succès sur gazon, Andy Murray, 50 à Wimbledon, 9 quarts de finale d'affilée et surtout un titre en 2013. De plus, l'élimination de Novak Djokovic au troisième tour a regonflé son moral. Le Britannique est monté d'un cran dans la liste des favoris à la victoire finale dans le temple du tennis où Roger Federer est également bien placé. Mais alors où Joe Wilfried Tsonga a de la peine à émerger malgré son pédigré

c'est jaloux. Laisse les coups mal à mal, là, c'est pour nous. Ils diront MHD, il est relou. En tac parti, le mec nous a chez coup. LNG va doucement sur vos colères. Qui me suit, on se follow sur Twitter. Ma chérie me presse pas l'amour et tueur. Il qu'a digné, c'est ça qui me fait peur. Tous ces enfoirés chèques qui passent au ouais, c'est pas ta mentir. J'ai pas de fiche de pêche, je connais pas mon salaire, mais je parle des Gucci. On m'a dit qu'à Fouguette, la concurrence, je vois que des abrutis. Tous là pour le même but. Reste dans le merde, piston, et puis fais le bout. Juste énorme ce son MHD à l'instant, Afro Trap en direct évidemment jusqu'à midi. C'est le morning de l'été. Si vous voulez réagir à l'émission, hashtag morning Radio Mix Floor. Et puis nous on continue avec la dernière bombe de Jennifer Lopez. J'adore ce son. On est là jusqu'à midi. C'est ça qui est bon. Bon réveil avec Radio Mix Floor. To work on time.

J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur. De Amir à l'instant, j'ai cherché vos dédicaces, dédicaces à tous mes potes de Calais environ, de la part de TG là, du côté dédicaces avec le hashtag Morning Radio Mixlore. Si vous voulez réagir à l'émission en direct jusqu'à midi, c'est le morning de l'été avec le soleil, évidemment la plage. Ceux qui sont en vacances, profitez évidemment, envoyez tous vos messages là, ça fait rêver là, avec la suite. Era Istrafi en direct, on est là, le morning de l'été jusqu'à midi, on est bon. Yeah. sweet like my honey, but you'll have to lick before you can taste. Radio Dancefloor, un max de son dancefloor. À l'instant, on sera Mixor jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Bienvenue tout le monde, on est là ensemble, on bouge pas. C'est comme ça tous les jours avec le soleil. Et j'ai pas mal de messages là qui arrivent là en mode barbecue, on me dit, en train de préparer l'apéro là de la part de David là du côté de Fréjus en direct avec Tal pour la suite. D'une vie dans le noir, l'ennui éteint tous nos espoirs inconscients, une vie illusoire. Et incapable de voir. Mais tu sais que sans en avoir l'air, tu construis l'histoire. À chacun sa gloire. S'arrêter quelques heures, s'en aller comme un avion qui passe dans ce monde qui nous laisse. Sommes-nous éveillés? Ah oui, on

let me come home to you again. Don't let me lose you too. Your smile still echoes through my head. Let me come home to you. Qu'il est bon ce son pour terminer cette matinée. Évidemment, le morning de l'été, c'est terminé. Et ouais, ça va vite, hein. 2 heures ensemble, du lundi au vendredi, 10h midi. Et on se quitte, on se rejoint évidemment dès demain matin, 10h midi dans le morning de l'été. Évidemment, ce soir, tous devant le Portugal, pays de Galles. Et puis demain, évidemment, la France qui jouera contre l'Allemagne. Voilà, on tient pour eux et on est avec les Bleus à Nuxflore. Et on se quitte, on se rejoint demain dès 10h avec des infos insolites, de la météo, bref, le kiff. Ciao, ciao, et à demain. Radio Nuxflore, un max de son Nuxflore. Surrounded by the stars and the views high. Ain't nobody